Zeno. Christopher dispose des tombes factices autour de la scène, orientant le carton sarcophage de façon à ce que le public puisse lire l'épitaphe. Aeton. Il fut homme pendant 80 ans, âne pour une année, loup de mer pour une autre, et une année corbeau. Rachel s'empare de sa torche en plastique. Olivia émerge de derrière les rayonnages avec une couronne de laurier plantée sur son faux crâne en latex, et Alex éclate de rire. Zeno frappe une fois dans ses mains. Pendant une répétition générale, on se met dans les conditions de la vraie représentation, rappelez-vous. Demain soir, il se peut que votre grand-mère éternue dans la salle, qu'un bébé pleure, ou que l'un de vous oublie son texte. Mais quoi qu'il arrive, le spectacle doit continuer. On est bien d'accord ? Oui, Mr. Ninnis. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Nathalie, musique. Nathalie pianote sur le clavier de son portable et une sinistre fugue pour orgue s'élève de l'enceinte. En arrière-fond, on perçoit les craquements d'un portail, des rauquements de corneilles et des ululements de chouettes. Sur le devant de la scène, Christopher déploie une longueur de satin blanc et s'agenouille à un bout. Nathalie se place à l'autre extrémité et ensemble, ils font ondoyer l'étoffe. Rachel, chaussée de ses bottes en caoutchouc, s'avance à grands pas jusqu'au milieu de la scène. « Nous sommes dans le royaume insulaire de Tyr, par une nuit de brouillard. » Elle baisse les yeux sur son texte, puis reprend. « Et l'écrivain Antoine Diogène quitte la salle des archives. Le voici, fatigué et tourmenté, inquiet pour sa nièce à l'agonie. Mais attendez que je lui montre la chose étrange que j'ai découverte parmi les tombes. » Le voile de satin fait des vagues, l'orgue joue sa musique. La torche de Rachel clignote, et Olivia se dirige vers la lumière.